Chapitre 7 Le fils Guzman. Voltaire va nous fournir encore le modèle d'un autre caractère chrétien, le caractère du fils. Ce n'est ni le docile Télémaque avec Ulysse, ni le fougueux Achille avec Pélée. C'est un jeune homme passionné, dont la religion combat et subjugue les penchants. Alzire, malgré le peu de vraisemblance des mœurs, est une tragédie fort attachante. On y plane, au milieu de ces régions de la morale chrétienne qui, s'élevant au-dessus de la morale vulgaire, est d'elle-même une divine poésie. La paix qui règne dans l'âme d'Alvarez n'est point la seule paix de la nature. Supposez que Nestor cherche à modérer les passions d'Antiloque. Il citera d'abord des exemples de jeunes gens qui se sont perdus pour n'avoir pas voulu écouter leur père. Puis, joignant à ces exemples quelques maximes connues sur l'indocilité de la jeunesse et sur l'expérience des vieillards, il couronnera ses remontrances par son propre éloge et par un regret sur les jours du vieux temps. L'autorité qu'emploie Alvarez est d'une autre espèce. Il met en oubli son âge et son pouvoir paternel pour ne parler qu'au nom de la religion. Il ne cherche pas à détourner Guzman d'un crime particulier. Il lui conseille une vertu générale, la charité, sorte d'humanité céleste que le Fils de l'homme a fait descendre sur la terre et qui n'y habitait point avant l'établissement du christianisme. Enfin, Alvarez, commandant à son fils comme père et lui obéissant comme sujet, est un de ces traits de haute morale aussi supérieurs à la morale des anciens que les évangiles surpassent les dialogues de Platon pour l'enseignement des vertus. Achille mutile son ennemi et l'insulte après l'avoir abattu. Guzman est aussi fier que le fils de Pélée. Percé de coups par la main de Zamore, expirant à la fleur de l'âge, perdant à la fois une épouse adorée et le commandement d'un vaste empire, voici l'arrêt qu'il prononce sur son rival et meurtrier, triomphe éclatant de la religion et de l'exemple paternel sur un fils chrétien. Alvarez. Le ciel qui veut ma mort et qui l'a suspendu, mon père, en ce moment m'amène à votre vue. Mon âme fugitive et prête à me quitter s'arrête devant vous, mais pour vous imiter. Je meurs. Le voile tombe. Un nouveau jour m'éclaire. Je ne me suis connu qu'au bout de ma carrière. J'ai fait jusqu'au moment qui me plonge au cercueil gémir l'humanité du poids de mon orgueil. Le ciel venge la terre. Il est juste, et ma vie ne peut payer le sang dont ma main s'est rougie. Le bonheur m'aveugla, la mort m'a détrompé. Je pardonne à la main par qui Dieu m'a frappé. J'étais maître en ces lieux, seul j'y commande encore. Seul je puis faire grâce, et la fait à Zamore. Vis, superbe ennemi, sois libre, et te souviens quel fut et le devoir et la mort d'un chrétien. À Montez, qui se jette à ses pieds. Montez, américain, qui fut mes victimes. Songez que ma clémence a surpassé mes crimes. Instruisez l'Amérique. Apprenez à ses rois que les chrétiens sont nés pour leur donner des lois. À Zamore. Des dieux que nous servons, connais la différence. Les tiens t'ont commandé le meurtre et la vengeance. Et le mien, quand ton bras vient de m'assassiner, m'ordonne de te plaindre et de te pardonner. À quelle religion appartiennent cette morale et cette mort? Il règne ici un idéal de vérité au-dessus de tout idéal poétique. Quand nous disons un idéal de vérité, ce n'est point une exagération. On sait que ces vers « des dieux que nous servons connaît la différence », etc., sont les paroles mêmes de François de Guise. Quant au reste de la tirade, c'est la substance de la morale évangélique. Je ne me suis connu qu'au bout de ma carrière. J'ai fait jusqu'au moment qui me plonge au cercueil gémir l'humanité du poids de mon orgueil. Un trait seul n'est pas chrétien dans ce morceau. instruisez l'Amérique, apprenez à ses rois que les chrétiens sont nés pour leur donner des lois. » Le poète a voulu faire reparaître ici la nature et le caractère orgueilleux de Guzman. L'intention dramatique est heureuse, mais prise comme beauté absolue, le sentiment exprimé dans ce vers est bien petit, au milieu des hauts sentiments dont il est environné. Telle se montre toujours la pure nature auprès de la nature chrétienne. Voltaire est bien ingrat d'avoir calomnié un culte qui lui a fourni ses plus beaux titres à l'immortalité. Il aurait toujours dû se rappeler ce vers qu'il avait fait sans doute par un mouvement involontaire d'admiration. Quoi donc, les vrais chrétiens auraient tant de vertus? Ajoutons tant de génie. Chapitre 8. La fille, Iphigénie. Iphigénie et Zaïre offrent, pour le caractère de la fille, un parallèle intéressant. L'une et l'autre, sous le joug de l'autorité paternelle, se dévouent à la religion de leur pays. Agamemnon, il est vrai, exige d'Iphigénie le double sacrifice de son amour et de sa vie. Et Lusignan ne demande à Zaïre que d'oublier son amour. Mais pour une femme passionnée, vivre et renoncer à l'objet de ses vœux, c'est peut-être une condition plus douloureuse que la mort. Les deux situations peuvent donc se balancer quant à l'intérêt naturel. Voyons s'il en est ainsi de l'intérêt religieux. Agamemnon, en obéissant aux dieux, ne fait après tout qu'immoler sa fille à son ambition. Pourquoi la jeune grecque se dévouerait-elle à Neptune? N'est-ce pas un tyran qu'elle doit détester? Le spectateur prend parti pour Iphigénie contre le ciel. La pitié et la terreur s'appuient donc uniquement dans cette situation sur l'intérêt naturel. Et si vous pouviez retrancher la religion de la pièce, il est évident que l'effet théâtral resterait le même. Mais dans Zaïre, si vous touchez à la religion, tout est détruit. Jésus-Christ n'a pas soif de sang. Il ne veut pas le sacrifice d'une passion. A-t-il le droit de le demander, ce sacrifice? Eh, qui pourrait en douter? N'est-ce pas pour racheter Zaïre qu'il a été attaché à une croix, qu'il a supporté l'insulte, les dédains et les injustices des hommes, qu'il a bu jusqu'à la lie le calice d'amertume? Et Zaïre irait donner son cœur et sa main à ceux qui ont persécuté ce Dieu charitable? À ceux qui tous les jours immolent les chrétiens? À ceux qui retiennent dans les fers ce successeur de Bouillon, ce défenseur de la foi, ce père de Zaïre? Certes, la religion n'est pas inutile ici, et qui la supprimerait anéantirait la pièce. Au reste, il nous semble que Zaïre, comme tragédie, est encore plus intéressante qu'Iphigénie, pour une raison que nous essayerons de développer. Ceci nous oblige de remonter au principe de l'art. Il est certain qu'on ne doit élever sur le cothurne que les personnages pris dans les hauts rangs de la société. Cela tient à de certaines convenances que les beaux-arts, d'accord avec le cœur humain, savent découvrir. Le tableau des infortunes que nous éprouvons nous-mêmes nous afflige sans nous instruire. Nous n'avons pas besoin d'aller au spectacle pour y apprendre les secrets de notre famille. La fiction ne peut nous plaire quand la triste réalité habite sous notre toit. Aucune morale ne se rattache d'ailleurs à une pareille imitation. Bien au contraire, car en voyant le tableau de notre état, où nous tombons dans le désespoir, où nous envions un état qui n'est pas le nôtre, conduisez le peuple au théâtre. Ce ne sont pas des hommes sous le chaume et des représentations de sa propre indigence qu'il lui faut. Il vous demande des grands sur la pourpre. Son oreille veut être remplie de noms éclatants et son œil occupé du malheur de roi. La morale, la curiosité, la noblesse de l'art, la pureté du goût et peut-être la nature envieuse de l'homme oblige donc de prendre les acteurs de la tragédie dans une condition élevée. Mais si la personne doit être distinguée, sa douleur doit être commune, c'est-à-dire d'une nature à être sentie de tous. Or, c'est en ceci que Zaïre nous paraît plus touchante qu'Iphigénie. Que la fille d'Agamemnon meure pour faire partir une flotte, le spectateur ne peut guère s'intéresser à ce motif. Mais la raison presse d'en haïr, et chacun peut éprouver le combat d'une passion contre un devoir. De là dérive cette règle dramatique, qu'il faut, autant que possible, fonder l'intérêt de la tragédie non sur une chose, mais sur un sentiment, et que le personnage doit être éloigné du spectateur par son rang, mais près de lui par son malheur. Nous pourrions maintenant chercher dans le sujet d'Iphigénie, traité par Racine, les traits du pinceau chrétien. Mais le lecteur est sur la voie de ses études, et il peut la suivre. Nous ne nous arrêterons plus que pour faire une observation. Le père Brumois a remarqué qu'Euripide, en donnant à Iphigénie la frayeur de la mort et le désir de se sauver, a mieux parlé selon la nature que Racine, dont l'Iphigénie semble trop résignée. L'observation est bonne en soi, mais ce que le père Brumois n'a pas vu, c'est que l'Iphigénie moderne est la fille chrétienne. Son père et le ciel ont parlé. Il ne reste plus qu'à obéir. Racine n'a donné ce courage à son héroïne que par l'impulsion secrète d'une institution religieuse qui a changé le fond des idées et de la morale. Ici, le christianisme va plus loin que la nature et par conséquent est plus d'accord avec la belle poésie qui agrandit les objets et aime un peu l'exagération. La fille d'Agamemnon, étouffant sa passion et l'amour de la vie, intéresse bien davantage qu'Iphigénie pleurant son trépas. Ce ne sont pas toujours les choses purement naturelles qui touchent. Il est naturel de craindre la mort. Et cependant, une victime qui se lamente sèche les pleurs qu'on versait pour elle. Le cœur humain veut plus qu'il ne peut. Il veut surtout admirer. Il a en soi-même un élan vers une beauté inconnue, pour laquelle il fut créé dans son origine. La religion chrétienne est si heureusement formée qu'elle est elle-même une sorte de poésie, puisqu'elle place les caractères dans le beau idéal. C'est ce que prouvent nos martyrs chez nos peintres, les chevaliers chez nos poètes, etc. Quant à la peinture du vice, elle peut avoir dans le christianisme la même vigueur que celle de la vertu, puisqu'il est vrai que le crime augmente en raison du plus grand nombre de liens que le coupable a rompus. Ainsi les muses, qui haïssent le genre médiocre et tempéré, doivent s'accommoder infiniment d'une religion qui montre toujours ses personnages au-dessus ou au-dessous de l'homme. Pour achever le cercle des caractères naturels, il faudrait parler de l'amitié fraternelle. Mais ce que nous avons dit du fils et de la fille s'applique également à deux frères, ou à un frère et à une sœur. Au reste, c'est dans l'Écriture qu'on trouve l'histoire de Caïn et d'Abel, cette grande et première tragédie qu'ait vue le monde. Nous parlerons ailleurs de Joseph et de ses frères. En un mot, le christianisme n'enlève rien aux poètes des caractères naturels, tels que pouvait les représenter l'Antiquité. Et il offre de plus son influence sur ces mêmes caractères. Il augmente donc nécessairement la puissance, puisqu'il augmente le moyen, et multiplie les beautés dramatiques en multipliant les sources dont elles émanent.